premier temps d'une série de La Fabrique de l'Histoire sur l'enfer. Aujourd'hui, nous allons vous décrire l'enfer médiéval et ceux qui le peuplent avec l'historien Jean-Claude Schmitt. Demain mardi, nous nous attacherons à vous raconter l'histoire de l'exorcisme. Mercredi, les enfers dans l'Antiquité. Jeudi, le documentaire d'Anaïs Quin et de Marie-Laure Ciboulet nous fera pénétrer dans l'enfer littéraire de Dante Alighieri. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons recevoir l'historien du Moyen-Âge Jean-Claude Schmitt, dont les travaux sur les revenants, mais aussi sur les images, font autorité. Avec lui, nous allons cheminer dans le long Moyen-Âge à la recherche des évolutions de la notion d'enfer, mais aussi de diable et de démon entre 4e siècle et 15e siècle. Bonjour Jean-Claude Schmitt. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, spécialiste de... D'ailleurs, c'est difficile de dire spécialiste de quelque chose parce que vous changez chaque fois qu'on vous rencontre de sujets, aussi bien de l'invention de l'anniversaire que des rythmes du Moyen-Âge, un livre tout à fait essentiel pour pouvoir comprendre ce qu'est justement le rythme et le temps au Moyen-Âge. Mais il y a bien longtemps, vous travaillez sur la question de l'anthropologie médiévale, de l'anthropologie des images, et ça va nous intéresser dans notre discussion. Et vous aviez travaillé également sur les revenants, les vivants et les morts dans la société médiévale, tout sujet que vous continuez à suivre, et vous nous préparez d'ailleurs un travail sur la question qui va nous occuper aujourd'hui, à savoir les démons, les diables, Lucifer, les enfers. Quand on réfléchit à cette naissance, pourrait-on dire, de cette invention de l'enfer, du diable, eh bien on se dit il y a des traces à la toute fin de l'époque antique, un ou deux siècles avant l'arrivée donc du Christ, qui nous laisse entendre qu'il y a quelque chose, une sorte de matrice de ces enfers dans ce Proche-Orient ancien, mais très différent de ce qu'on va connaître dans le Moyen-Âge, qui est votre sujet. Oui, bien sûr. Pour commencer, je dirais d'abord deux choses plus générales encore. C'est d'une part la force de l'imaginaire de l'enfer, qui ne nous a pas quittés. Qui est associé au feu, qui est associé à la douleur, qui est associé à la peine, etc. Et qui a bien sûr des sens métaphoriques, et pas seulement réalistes, si j'ose dire. On pense à Sartre, naturellement, mais on pense aussi à toutes ces épreuves que l'humanité traverse, pour lesquelles on dit « c'était l'enfer ». Enfin, et je pense en particulier, évidemment, à l'actualité et à l'incendie de Notre-Dame de Paris. C'est les flammes, c'est le feu, c'est... ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que toute religion, et d'une certaine façon, c'est la définition même de la religion, toute religion est avant tout une croyance en au-delà de la mort. Savoir ce que l'on devient après la mort, quelle est l'après-finitude de l'homme, c'est ce qui fonde la religion, quelle qu'elle soit, dans toutes les civilisations. Et par conséquent, dans toutes les civilisations, il y a une idée plus ou moins précise de lieu et de mode d'existence par-delà la mort. Et on sait, par exemple, comment le matériel archéologique, les vases que l'on trouve dans des tombes, permettent de penser qu'on a imaginé une existence pour les morts. Évidemment, on est encore là, très loin de l'idée de l'enfer et de l'idée d'un lieu spécifique, notamment pour les mauvais. Oui, parce que l'au-delà ne suppose pas forcément l'enfer. Pas du tout. Pourrait supposer d'abord plutôt le paradis, disons, le règne des grands, des valeureux guerriers, par exemple, ou des hommes vertueux. Mais le paradis, je dirais, bien sûr, a lui aussi suscité un imaginaire extraordinaire, mais moins que l'enfer. Le lieu cardinal, en somme, de l'au-delà, et notamment de l'au-delà chrétien, dont on va parler c'est l'enfer, plus que le paradis. Et alors justement, ces premières traces de cet enfer sont centrées autour du Proche-Orient, ou est-ce qu'on les trouve ailleurs, dans d'autres civilisations, dans d'autres cultures que la culture proche-orientale ? Alors, si on procède de façon rétrospective, c'est-à-dire en partant, ou régressive, en partant du Moyen-Âge chrétien, pour se demander quelles sont éventuellement des influences d'autres systèmes, des sources, comme on dit, on pense bien sûr à Babylone et au voyage de Gilgamesh dans l'au-delà, et on pense deuxièmement au judaïsme et à l'idée du Sheol, qui est présent dans l'Ancien Testament, et puis on pense à l'Antiquité gréco-latine, mmh. naturellement. Alors, laissons Babylone, d'autres plus compétents que moi en parleront. Pour ce qui concerne le Sheol, juif, c'est évidemment une source première pour le christianisme qui sort du judaïsme. Mais c'est un lieu encore très différent. Ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est un lieu indistinct et dans le fond, dans lequel il n'y a pas pendant longtemps, en tout cas, parce que tout ça s'inscrit bien sûr dans une longue histoire, d'idées de châtiment des mauvais et de récompense des bons. Cela, cependant, par exemple, dans le livre d'Enoch, c'est-à-dire dans ces livres visionnaires, et ce qui souvent se présente sous la forme aussi de voyages dans l'au-delà, en tout cas de révélations de l'au-delà, on voit apparaître des thèmes déjà de moralisation, en quelque sorte, de cet au-delà qui vont être récupérés, naturellement, par le christianisme. Et enfin, en ce qui concerne l'Antiquité gréco-romaine, il y a l'Hadès, mmh. bien sûr, l'Hadès avec une sorte de bifurcation vers soit les Champs-Élysées, c'est-à-dire, en effet, la récompense des grands hommes et des hommes vertueux, et des bons citoyens, etc., soit, au contraire, le Tartare, qui, lui, est bien un lieu de terreur, de dérédiction. Voilà. Et alors là, il y a eu, bien sûr, une très grande source qui a joué un rôle considérable dans la pensée de l'Occident médiéval latin, surtout. Bien, c'est l'Énéide, c'est Virgile, et on le retrouve jusqu'à Dante, naturellement, qui est guidé dans l'au-delà, et notamment à l'approche de l'enfer, par la figure même de Virgile. Mais cela, on peut dire, ce sont des sources, mais ça ne dit pas, évidemment, ce qu'est devenu cet enfer à partir du moment où le christianisme s'est répandu dans l'Empire romain, où il s'est développé, et comment, d'une certaine façon, ces figures de l'enfer, vous travaillez beaucoup sur la question de l'iconographie, Jean-Claude Schmitt, ont pu évoluer sur une très longue durée, puisque ce Moyen-Âge occidental, comme on l'appelle, même si on pourrait le poursuivre encore un peu plus loin que ce que l'on imagine habituellement, et eh bien ce Moyen-Âge occidental a duré très longtemps et donc a vu naître et se développer des figures très diverses à la fois de l'enfer, de ceux qui le peuplent. Alors, en effet, il est essentiel de dire que tout cela a une histoire et que des textes fondateurs, c'est-à-dire des évangiles, des épîtres, et puis surtout de l'Apocalypse, attribué à saint Jean, l'évangéliste, jusqu'aux théologiens qui réfléchissent avec du recul sur les conditions mêmes des peines infernales et des lieux infernaux, et puis ensuite les artistes qui mettent tout cela en image. Il y a naturellement des étapes essentielles et une précision qui s'affirme et qui, dont un des grands tournants d'ailleurs, et qui a été très bien montré par Jacques Le Goff en son temps, et la naissance d'un troisième lieu intermédiaire qui est le purgatoire. À ce moment-là, on a la formation vraiment d'une figure totale de l'au-delà qui consiste en cinq lieux, deux lieux d'éternité qui sont le paradis et l'enfer, un autre lieu qui s'approche de l'enfer mais sans en être non plus, qui est le limbe des enfants non baptisés. Bien sûr. Et les enfants non baptisés resteront privés, ils auront la peine du damne, c'est-à-dire qu'ils resteront privés de la vision de Dieu, mais ils ne souffriront pas comme les damnés en enfer. Et puis il y a deux lieux provisoires, d'une part ce que les textes, les écritures appellent aussi l'enfer, mais qu'on appellera plutôt, pour bien les distinguer, les limbes, des patriarches. C'est-à-dire les justes de l'Ancien Testament, qui ont été libérés de ce lieu pas vraiment de torture, mais quand même pas très réjouissante non plus, que sont les limbes des patriarches, libérées par le Christ après sa mort. Soi-même, parfaitement. Qui descend aux enfers, comme on dit, en fait, dans ces limbes, pour tirer, on le voit dans l'iconographie, Adam et Ève en premier, mais aussi derrière lui et Jacob et Abraham, etc., qui sont des hommes parfaits, mais évidemment qui n'avaient pas la révélation du Christ. Qui n'ont pas connu l'incarnation. Voilà, et donc c'est pourquoi ils avaient ce lieu-là. Mais une fois que le Christ y est allé, ce lieu est fermé, on n'en parle plus. Et puis il y a notre lieu provisoire, c'est justement ce purgatoire qui passe du statut d'adjectif au statut de substantif et de substantif topographique, comme Jacques Le Goff l'a bien montré, au XIIe, XIIIe siècle, et qui est un lieu provisoire, en ce sens que au jugement dernier, ce lieu-là va être définitivement vidé. Et ceux qui sortiront du purgatoire iront tous au paradis. Parce que du purgatoire, on ne va jamais en enfer. Alors donc, ces cinq lieux sont très importants, mais évidemment, c'est une construction historique, Jean-Claude Schmitt. C'est-à-dire que au IVe siècle, au Ve siècle, les premiers pères de l'Église, par exemple, ne parlent pas de tous ces lieux, puisqu'ils s'en inventent entre-temps. Vous l'avez expliqué avec Jacques Le Goff et l'invention de la naissance du purgatoire au XIIe, XIIIe siècle. Et donc, c'est une construction progressive qu'il va falloir aussi peupler, parce qu'il n'y a pas simplement le lieu qui compte, et on en discutera de ce lieu, mais il y a tous ceux qui l'habitent. Et ces personnages qui habitent ce lieu ne sont pas simplement le diable, Lucifer ou celui qui est le souverain de ce lieu, mais il y a tous ceux qui sont avec lui. Et là, ça deviendra encore un peu plus compliqué au fur et à mesure qu'on avancera dans ce très long Moyen-Âge, Jean-Claude Schmitt. On pourrait dire qu'on a bricolé l'au-delà, et en particulier l'enfer, à partir des textes tirés d'abord des Écritures, qui chacun apporte sa brique, en somme, à cet édifice, mais ils ne concordent pas entre eux. C'est-à-dire qu'il a fallu que, notamment les pères de l'Église, et je pense bien sûr à saint Augustin, qui ici comme ailleurs est le fondateur de la culture chrétienne du Moyen-Âge, mais aussi un peu plus tard à Grégoire le Grand, et puis après aux grands théologiens du XIIe siècle parisien, Hugues de Saint-Victor, par exemple, et puis surtout, naturellement, la grande scolastique avec Thomas d'Aquin. Alors, à cela s'ajoute, naturellement, tout le travail des prédicateurs, des artistes, etc., qui chacun apporte avec ses moyens propres. Les moyens de la peinture ne sont évidemment pas les moyens de la théologie, apportent leur pierre à l'édifice. Voilà. Alors, c'est ainsi que, petit à petit, mais aussi sous l'effet de l'évolution de la société, et on le voit bien naturellement pour ce troisième lieu qui est le purgatoire, eh bien cet au-delà se construit. Alors il se construit aussi de façon graphique, parce que on va le représenter. Il n'est pas représenté que par les mots des pères de l'Église. Il y a des gens qui vont, des peintres, des enlumineurs, il va y avoir tout un tas de personnes, des sculpteurs sur les portails des églises, par exemple, qui vont s'attacher à traduire les mots des pères de l'Église en autre chose, c'est-à-dire en représentation graphique. Et ça va être très important aussi pour la façon dont évolue justement cet enfer dans l'espace du Moyen-Âge. Absolument. C'est-à-dire que, outre l'écriture, il fallait bien le rappeler, et qui est complexe, et d'autre part la théologie qui réfléchit sur ces textes sacrés, eh bien il y a en effet les artistes, et puis il y a aussi ces textes de l'imaginaire, pourrait-on dire, c'est-à-dire notamment les visions et les voyages dans l'au-delà. Et là aussi d'ailleurs on retrouve une tradition antique, et aussi orientale. Et les voyages dans l'au-delà ont eu un énorme succès au Moyen-Âge. D'abord, à l'époque carolingienne ou même pré-carolingienne, notamment dans les îles anglo-saxonnes. Je pense à tout ce que Bède le Vénérable, au début du 8e siècle, a pu livrer comme texte de ce genre. Et puis au 12e siècle, on a d'autres visions qui sont écrites et qui, là, justement, font entrer le purgatoire dans ce monde de l'au-delà. C'est, par exemple, la vision, pour n'en citer qu'une, la vision de Tondal ou de Tnugdal, qui est un noble irlandais, selon le texte, et qui serait parti dans un état de catalepsie, n'est-ce pas, son âme aurait voyagé dans l'au-delà et en aurait rapporté ensuite le témoignage sur ces lieux qui sont d'ailleurs déjà à ce moment-là l'enfer, le purgatoire et le paradis. Et c'est ceci d'ailleurs qui va être repris par Dante au début du XIVe siècle, mais on aura l'occasion sans doute de le redire. Bien sûr, on va y revenir avec vous, Jean-Claude Schmitt. Je rappelle que vous êtes historien et que vous travaillez depuis longtemps sur ces cette question de l'enfer que vous allez nous livrer d'ici quelques mois ou quelques années, en tout cas on l'espère le plus rapidement possible, une réflexion sur ce type de figures que peuvent être les figures des démons et des diables qui assaillent parfois les humains. Mais pour l'instant, on s'attache à la figure de Méphisto telle qu'elle a été décrite par Franz Liszt. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. De Méphisto, Polka S-217 pour piano de Franz Liszt, interprété ici par Moussa Roubakité. Nous sommes avec vous, Jean-Claude Schmitt, en ouverture d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à la question de l'enfer. Vous nous avez bien expliqué la généalogie, pourrait-on dire, telle qu'elle s'est installée de cette notion d'enfer, mais il faut peut-être s'attacher aussi au mot. D'ailleurs, le mot lui-même d'enfer vient d'où ? Alors, c'est tout simplement, au départ, un adjectif latin, qui est infernus au masculin et inferna ou infernum hein, au féminin et au neutre, c'est-à-dire un adjectif, et ça c'est important. Pour les auteurs latins classiques, Cicéron, Virgile, on trouve essentiellement l'adjectif, pas du tout le substantif qui en est tiré. Chez Tacite, un peu plus tard, on trouve inferna. C'est-à-dire un neutre pluriel, et c'est bien un substantif. Mais, en fait, qui a substantivé l'enfer ? Ce sont les chrétiens. C'est Saint Jérôme. Hein ? Saint Jérôme, dans la Bible latine, donc la Vulgate, utilise enfer au sens d'un nom propre qui désigne un au-delà éternel de damnation. Voilà, c'est donc bien, le vocabulaire le montre, une création du christianisme, et qui se distingue notamment du shéol juif antérieur. Alors, il y a donc cette création du lieu, il y a aussi la création des figures qui peuplent ce lieu, en l'occurrence, parce que ça n'est pas évident de savoir qui est à l'intérieur de l'enfer, qui sont les personnages, et on les appelle le diable, on l'appelle Lucifer, on l'appelle Méphistophélès, on l'appelle de quelle manière, on appelle ces personnages qui sont les personnages qui sont là pour repousser les chrétiens, justement, et pour leur faire peur en même temps. Alors, c'est évidemment un paradoxe que de penser que l'enfer a une telle place dans une religion qui se veut une religion de l'amour, de la miséricorde. Or, ce qu'elle affiche là, c'est un châtiment, et en plus un châtiment éternel. Et ça a été d'ailleurs un point qui a beaucoup préoccupé les théologiens. Comment comprendre ce paradoxe, le christianisme comme amour d'un côté, et puis par ailleurs, ce terrible châtiment. Oui, d'autant qu'on décrit des châtiments infernaux, on les montre, on va les exposer à ceux qui lisent les livres, qui regardent les portails des cathédrales, et que d'une certaine façon, alors qu'on est une religion d'amour, on montre des tortures, on montre des êtres qui sont écartelés, qui sont enfourchés, qui sont empalés, et donc c'est assez contradictoire, Jean-Claude Schmitt. la faute en revient au diable. C'est-à-dire que c'est Lucifer qu'on va retrouver en enfer. Mais au départ, il n'y était pas, évidemment. C'est lui qui l'a créé d'une certaine façon. Lucifer, c'était l'ange de lumière, vraiment l'ange préféré de la divinité. Mm-hmm. Et il s'est rebellé. Et c'est pourquoi il est tombé du haut du ciel et s'est transformé en ce souverain, ce contre-souverain, en somme, face à la divinité, qui est au contraire au plus bas, Infernus. Hein. C'est Lucifer, c'est bah Dante, par exemple, va le retrouver précisément au terme de son cheminement dans l'enfer. Et autour de Lucifer, il y a des démons, dont des acolytes, qui sont l'exact pendant des anges qui restent auprès de Dieu. Et ils ont gardé d'ailleurs des caractéristiques des anges. Ce sont des esprits et des esprits intelligents, des esprits rapides, vifs, très habiles, très dangereux par conséquent. Et naturellement, c'est eux qui accueillent les damnés. Et comment les accueillent-ils? Et surtout, quand les accueillent-ils? Parce que il faut jamais oublier que la religion chrétienne s'inscrit toujours dans le temps. Mmh. Le temps est vraiment une clé essentielle. Bien, il y a deux moments. Il y a la mort individuelle, et puis il y a la fin des temps. Mmh. Et ces deux moments font intervenir l'enfer et montrent, puisque l'enfer intervient dès la mort individuelle à travers l'histoire, montrent que l'enfer est toujours présent. Pendant l'histoire des hommes, il y a toujours quelque part sous terre, au cœur de la terre, disent certains, un enfer. L'enfer, on ne va pas attendre la fin des temps pour créer l'enfer. L'enfer, il est là depuis Lucifer. Ce qui explique que vous qui vous intéressez, Jean-Claude Schmitt, à la question de l'iconographie médiévale, eh bien, il y a deux représentations. Il y a une représentation de l'enfer en soi, existant seul d'une certaine façon. On montre aux croyants, on montre aux chrétiens ce qu'est l'enfer. Et puis, il y a la représentation qui est commune aussi, du jugement dernier, où on montre à la fois ce qu'est l'enfer, mais également ce qu'est le paradis. Oui, alors, en effet, l'iconographie peut correspondre à ces deux moments dont je viens de parler. C'est-à-dire que, au moment de la mort, l'âme se sépare du corps et elle subit un jugement particulier. Particulier, c'est-à-dire individuel. Et là, si elle est très mauvaise, elle va tout de suite en enfer. Mais c'est l'âme qui va en enfer. Attention, c'est pas le mort complet, si j'ose dire. C'est l'âme séparée. Et il faut lire pour ça Jérôme Bachet, oui, bien qui sûr, a son dernier Jérôme livre, Bachet qui a travaillé sur la question de l'âme et du corps. Exactement. Et si elle est très bonne, c'est-à-dire si c'est un saint, il va directement au paradis. Mais, et c'est ce qu'on va voir avec le purgatoire, s'il n'est ni très bon, ni très mauvais, eh ben, il va avoir un temps de rémission, qui sera précisément le purgatoire. Au jugement dernier, c'est autre chose. À ce moment-là, d'abord, il y a eu, et l'Apocalypse le raconte, la résurrection des morts. Et c'est ce qu'on voit au tympan des cathédrales, sur les grands retables de la fin du Moyen-Âge. Je pense à Memling, je pense à Jérôme Bosch, mais à beaucoup d'autres encore. Eh bien, le jugement dernier, ça va être d'abord, et souvent les deux scènes sont ensemble, la résurrection des morts. À ce moment-là, il y a réunion des âmes séparées et des corps. Et ce qui va être jugé, c'est donc des personnes entières. Mmh. Et là, il n'y aura plus, puisque le purgatoire disparaît, il n'y aura plus que deux lieux. Donc, d'un côté, les élus qui vont sortir de la tout nue de leur tombe, se débarrassant de leur linceul, mais aussitôt en cortège accueillis par les anges, qui les revêtent d'un vêtement qui est le symbole du corps glorieux qui, pour l'éternité, va être le leur. Et de l'autre côté, les damnés, eux aussi sortent des tombes, eux aussi déchirent leur linceul, hein, mais aussitôt ils sont saisis par les diables, et c'est ces corps damnés, hein, la réunion là aussi de l'âme damnée et du corps damné, va pour l'éternité être châtiée en enfer. Et c'est là qu'on va décrire naturellement tous ces châtiments. Quelle inventivité y a-t-il autour de cet enfer en l'occurrence? Parce que on peut voir une inventivité dans le graphique, une inventivité dans les mots et dans les mots utilisés pour parler par exemple de ces démons, de leur principal prince, le prince des ténèbres. Alors on l'appelle Lucifer, on l'appelle Méphisto, on l'appelle Béhémoth, on l'appelle de tout un tas de noms. Les démons peuvent être appelés les esprits malins, les esprits immondes, les anges malins, le tentateur. On a même ce nom de Satan qui vient, je crois, d'une racine hébraïque. Tout cela, qualifie tous ces personnages que l'on peut rencontrer dans cet enfer à un moment ou à un autre. Oui, c'est un espace hiérarchisé. Comme l'ensemble de l'au-delà est hiérarchisé, il y a un haut et un bas. Mm-hmm. Et ça, d'ailleurs, cette hiérarchie haut-bas est vraiment caractéristique du christianisme. Et puis, il est hiérarchisé à l'intérieur parce qu'il y a des cercles de plus en plus. C'est pas donné au départ, mais on va observer justement ce compartimentage de l'espace infernal en peinture ou en sculpture, mm-hmm. Et naturellement littérature. On pense à Dante, c'est-à-dire les 9 cercles de l'enfer qui correspondent à 9 types de fautes épouvantables, de crimes. Hein. Il y aura les sodomites, il y aura les avaricieux, il y aura les orgueilleux, etc. Et les peines vont être à chaque fois adaptées à la faute qui aura été commise. Par exemple, les gloutons vont naturellement avoir à ingurgiter de la poix en fusion. Les licencieux vont être attachés l'un à l'autre en permanence. Et par le sexe, si possible. Et par le sexe, et ne pourront jamais se séparer. Exactement. Voilà. Et donc, toutes les peines sont ainsi en correspondance avec les fautes et avec, naturellement, une intervention de tous ces démons, ce fouillis de démons qui introduit une sorte de désordre, si vous voulez, mais bien calculé dans l'ordre hiérarchique des cercles de l'enfer, et qui eux-mêmes, alors, avec des formes souvent monstrueuses, par exemple, on le voit bien chez Bosch, naturellement, des becs d'oiseaux pour piquer le corps des damnés, ils vont ainsi se ruer sur ces corps désarticulés des damnés. Mais qui sont justement ces clercs qui, progressivement, rendent plus fine cette connaissance ou cette vision de l'enfer, en l'occurrence? Pourquoi faut-il, entre le 4e siècle, les pères de l'Église, saint Augustin, et le 15e, 16e siècle, fin de ce qu'on appelle traditionnellement le Moyen-Âge, mais qui continue tout de même plus loin, eh bien, pourquoi faut-il justement sophistiquer cette connaissance de l'enfer, et en quoi cela répond-il à des demandes sociales, à des demandes culturelles, à des lieux particuliers, par exemple, de l'Europe médiévale, Jean-Claude Schmitt? Il y a à la fois des problèmes théologiques très importants, et c'est donc les théologiens, depuis les pères de l'Église, qui sont amenés à tenter de les résoudre. C'est ce paradoxe dont on parlait, c'est-à-dire le paradoxe du châtiment éternel dans une société de la miséricorde et de l'amour. Ça, c'est un point qui, par exemple, préoccupe beaucoup saint Augustin. Il y a le problème du corporel et du spirituel. C'est-à-dire comment concevoir un feu corporel, le feu de l'enfer est corporel. Et pourtant, c'est un feu particulier puisqu'il va brûler éternellement sans jamais consommer, puisque le châtiment va être éternel. C'est pas parce que le corps aura été brûlé à un moment qu'il va disparaître. Pas du tout. Il est toujours là alors qu'il continue de subir ce feu épouvantable. Donc ça, c'est un problème. Et donc, il y a l'idée qui émerge petit à petit, qui est débattue par les uns et les autres, d'un feu corporel qui a des effets spirituels. Vous voyez, et ça, cette sorte de dialectique du corporel et du spirituel est quelque chose de tout à fait essentiel dans la culture chrétienne médiévale. Donc, qui sont ces clercs? Alors, il y a les théologiens, mais pas seulement. Il y a les prédicateurs qui jouent un rôle de médiation absolument essentiel. Et qui ajoutent, d'une certaine façon, leur propre vision à la vision des théologiens et des pères de l'Église. Qui en ajoutent et qui en reçoivent. Parce que, comme vous l'avez dit, la société, bien sûr, est là. Et c'est aussi en réponse à ces attentes, et aussi pour nourrir l'imaginaire social, que ces images sont diffusées, soit par la parole, soit par la peinture. Et bien sûr, je prends un exemple. Ce qui caractérise beaucoup les châtiments infernaux, c'est l'usage de la mécanique, de la technique. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des objets, il y a des instruments. Les diables sont armés de crochets, de poulies, de scies, de chaudrons, etc. De fourches, évidemment. Donc, et tout ça, eh bien, c'est un imaginaire du travail. C'est un imaginaire, vous voyez, vraiment de la société présente. Et ça n'est pas, naturellement, a priori, une image très positive de cette société-là. Et de toute façon, on voit évoluer cet enfer dans une sorte de structuration qui correspond à l'évolution de la société du Moyen-Âge. On va avoir des punitions dans l'enfer pour le clergé, on va en avoir pour les travailleurs, on va en avoir pour les guerriers, qui vont être spécifiques à chacun de ces ordres de la société médiévale, par exemple, Jean-Claude Schmitt. Oui, tout à fait. Et en même temps, ce qui est quand même remarquable, et il faut noter, c'est que on y trouve en enfer, et les papes, et les évêques, et les princes, et oui. les rois. C'est-à-dire qu'il y a un effet de nivellement social, hein, en même temps. Et que la hiérarchisation de l'enfer, elle est morale. C'est-à-dire que ce sont les sodomites, ce sont les luxurieux, ce sont les avares, etc., qu'on va retrouver distinctement. Mais dans chaque catégorie, il y aura des prêtres, sodomites, il y aura des évêques, pareil, ou des rois, usuriers. Voilà. Donc, si vous voulez, je crois que la société est toujours présente et elle l'est à la fois positivement et négativement, d'une certaine façon. Mais quelle est la fonction, justement, de cette représentation dans la société médiévale? Elle est là pour repousser ce qu'on a toujours pensé, mais elle montre des choses qui peuvent, non pas attirer, évidemment, le badaud qui se trouve au seuil d'une cathédrale, mais en tout cas, le séduire par la dureté des représentations. On n'est plus dans un lieu où, effectivement, tout est béni comme le lieu paradisiaque. Qu'on est dans un lieu qui dit autre chose, Jean-Claude Schmitt. Oui, parce que, justement, comme les hiérarchies sociales y sont abolies, et que c'est la valeur morale de la personne qui est prise en compte, eh bien, cela peut tout à fait rassurer, d'une certaine façon, le malheureux qui souffre sur cette terre, mais qui sait que s'il est bon, il ira, lui, au paradis, alors que le roi ira en enfer. Et cela descend dans la rue aussi, parce que les charivaris, parce que les moments où l'on renverse l'ordre social, d'une certaine façon, emploient justement ces images qui descendent des portails des cathédrales ou des livres enluminés pour être revêtus par des humains que l'on côtoie dans sa propre société, Jean-Claude Schmitt. Oui, il y a toute cette ritualisation de l'enfer à travers la mascarade, à travers le théâtre. N'oublions pas que sur ce qu'on pourrait appeler la scène des mystères médiévaux, il y a toujours la gueule d'enfer. La gueule d'enfer. Qu'est-ce que c'est la gueule d'enfer? La gueule d'enfer. C'est la porte, d'abord. C'est par là que l'on entre dans l'enfer. Hein. Naturellement, sur notre droite, c'est-à-dire à la gauche du juge du jugement dernier, à la gauche du Christ qui revient pour juger les morts, qui ressuscite. Et c'est donc une porte, mais c'est en même temps le lieu métonymique de l'ensemble de l'enfer. Hein. Cette gueule, c'est en même temps le feu, c'est le chaudron, c'est le lieu de la torture, et donc il est à la fois une limite et un intérieur. Mais on peut représenter sur une scène médiévale, dans ce théâtre médiéval, on peut y représenter l'enfer. On peut avoir des acteurs, des personnages qui montent sur scène en se grimant en Lucifer, en se grimant en Satan, en se grimant en démon, accompagnant l'un et l'autre. Tout à fait. Et si s'il y a des personnages qui sont masqués, ce sont précisément les démons et le diable. Sous cette froide pierre. Un extrait de l'acte 3, scène 7 de Robert le Diable de Meyerbeer, interprété ici par Jacques Delacote. Nous sommes avec vous, Jean-Claude Schmitt, pour évoquer en ouverture de cette semaine consacrée à la question de l'enfer, l'enfer médiéval tel qu'il est représenté dans les mots, par les mots, mais également par les images dont vous êtes un grand spécialiste. Cet enfer est varié, les artisans s'en donnent à cœur joie, ou au contraire, est-ce que ils sont surveillés par ces clercs qui, théologiens ou pas, tentent de définir ce qu'est le statut de cet enfer dans la société médiévale? Oui, on ne peut pas parler pour l'art médiéval d'une sorte de contrôle immédiat. Non, justement, c'est pour ça. Hein. Ouais. Et cependant, il y a une sorte de conformité à des normes qui évoluent naturellement, mais qui font que ces peintures bon, avec bien sûr souvent des traits très originaux, suivent les grands principes théologiques relatifs à l'au-delà. On a par exemple des matrices du Christ descendant au limbe, byzantines, très fréquentes, mais on en trouve aussi en Occident médiéval, mais c'est une figure très très fréquente dans les oui. églises de l'Empire byzantin. Est-ce qu'il y a des visions de l'enfer différentes selon que l'on se situe dans cet espace byzantin, dans cet espace occidental, dans un espace plus au nord de l'Europe ou dans un espace plus latin? Disons qu'il y aurait des sources différentes qui se mêleraient dans la représentation que l'on donne de cet enfer. Naturellement, il y a beaucoup de formes du christianisme et ces formes ont donné dans la peinture notamment des résultats assez différents. Là, j'étais récemment en Éthiopie et voilà, il y a un christianisme très ancien éthiopien et les peintures éthiopiennes nous permettent de retrouver ces grands thèmes, mais souvent avec des caractères un petit peu originaux. Et on peut dire naturellement la même chose de Byzance. À Byzance, par exemple, il n'y a pas de purgatoire, mais il y a des douanes célestes qui s'apparente un petit peu à la fonction du purgatoire. Et puis, bien sûr, on y retrouve et le paradis et l'enfer, comme dans le christianisme occidental. Voilà. Alors, la figure du diable, par exemple, se fiche-t-elle à un moment? Est-elle évolutive? Cette animalité qu'on lui reconnaît, cette noirceur du visage, ces poils qui sont nombreux parfois à un endroit ou à un autre, cette figure est-elle évolutive entre, mettons, le 8e, 9e ou 10e siècle et puis le 14e, 15e? Tout à fait, parce que cette figure du diable, telle qu'on se représente le diable, disons, eh bien, elle apparaît, en fait, assez tardivement. C'est-à-dire que ce n'est pas le cas dans le Haut Moyen-Âge, où le diable est plutôt le tentateur, mais sous forme humaine, hein, séduisant. Et c'est au contraire au XIIe, au XIIIe siècle qu'on voit apparaître et s'enrichir en permanence ce diable et surtout ce terrible Satan, hein, ce Lucifer, qui prend comme d'abord une posture de monarque, et ça c'est très important, hein, il est vraiment l'égal de Dieu. L'égal de Dieu, hein, et certaines images d'ailleurs laissent entendre, je pense par exemple, alors ce n'est pas l'enfer, mais c'est le tentateur, quand Satan s'approche de Dieu pour lui dire d'aller frapper Job, vous savez, le malheureux Job sur son fumier. Eh bien, on le voit qui entre vraiment à la proximité immédiate et on a l'impression d'un face-à-face quasi à égalité. Hein. Naturellement, ce qui est aussitôt nié par la théologie, puisque le diable ne peut intervenir qu'avec la permission de Dieu. C'est la définition même qu'en donne saint Augustin, et c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il a des dons extraordinaires d'action, de rapidité, d'intelligence, mais toujours limité par la puissance divine. Et des dons de dissimulation, parce que il peut ne pas être celui qu'on croit. Et c'est dans ce trouble-là que s'instaure justement la présence démoniaque. Oui, c'est le maître de la métamorphose. Il apparaît sous forme animale, par exemple. Et on va le représenter souvent à l'enfer, justement, avec un groin de porc ou des dents de chien, etc. Et quand on voit évoluer la religion chrétienne au long du Moyen-Âge, quand on voit, par exemple, le culte marial s'installer, quand on voit la Vierge devenir, non pas à égalité avec le Christ, mais l'opposition du diable, c'est-à-dire quand on la voit prendre une place dans cette opposition avec le mal, est-ce que ça change les choses, Jean-Claude Oui, Schmitt? Parce que la Vierge, dont le culte se développe aussi, à partir du 12e siècle notamment, bon, elle est présente avant naturellement, mais elle devient vraiment la reine, hein, elle devient la quatrième personne de la Trinité. Mmh. Et alors, c'est à elle que l'on s'adresse. Hein. Il y a ce miracle très très célèbre au Moyen-Âge de Théophile, hein, ce savant qui a... Il y a d'ailleurs des portails de cathédrale avec le miracle de Théophile. Exactement. Et c'est la Vierge. Hein, c'est la Vierge qui vient effacer la charte sur laquelle Théophile prêtait allégeance au diable. Hein, elle va l'effacer par miséricorde. Et donc, quand je disais qu'il y a un paradoxe justement du châtiment et de la miséricorde dans ce christianisme, on voit bien que autant d'un côté la peur s'accentue, parce que c'est vraiment une question de peur, la peur de l'enfer qui est une sorte de levier idéologique essentiel de l'ordre social, mmh. hein, d'un côté, mais en même temps l'espoir. Et l'espoir, il prend beaucoup de formes, c'est l'espoir. Le purgatoire, c'est le lieu de l'espoir. Et puis, la Vierge, c'est celle qui agit cette miséricorde divine au profit des pécheurs, même les pires. Mais hein. si on a si peur de cet enfer dans lequel on ne veut pas être envoyé après sa mort, pourquoi s'en moque-t-on? Parce qu'il y a aussi une dimension grotesque dans ce diable que l'on peut dauber lorsqu'on se trouve dans une société comme la société médiévale. Il y a aussi cette dimension du rire qui vient désamorcer la peur. Qui vient désamorcer la peur, mais qui n'est que l'aveu de cette de la force même de cette peur. C'est-à-dire, nous le savons tous, bien sûr, c'est une défense au moment même où on reconnaît cette peur de l'enfer qui est sans doute plus importante que la peur de la mort en tant que telle, hein, puisque la mort c'est le passage, mais l'enfer, il n'y a plus aucun espoir. Alors il y a une dimension religieuse et puis il y a une dimension littéraire, presque civique et civile aussi à cet enfer, avec, on en parlera beaucoup dans l'émission de jeudi, avec le documentaire d'Anaïs Quin et de Marie-Laure Ciboulet, avec Dante, évidemment, qui transforme aussi cet enfer dans une société qui est la société italienne du XIIIe siècle, où on fait évoluer cet enfer en y faisant entrer des personnages du moment, en les faisant se parcourir ces cercles de l'enfer. C'est très différent de ce que l'on lit jusqu'à maintenant. Alors, c'est très différent et en même temps, ça n'est pas tout à fait différent. C'est-à-dire qu'il y a naturellement toute cette tradition des visions dans l'au-delà, de voyages dans l'au-delà, ouais. et notamment de Tondal, par exemple, dont je parlais, qui a lui déjà tous les cercles de l'enfer, exactement comme Dante, avec à peu près la même distribution, et certainement les mêmes tortures, les mêmes châtiments. Mais ce que Dante fait, bien sûr, on peut le dire en quelques mots, puisque tout cela va être repris cette semaine, ce que Dante fait, d'abord, c'est une quête amoureuse, ne l'oublions pas. Bien sûr, pour Béatrice. Béatrice est morte depuis plus de 10 ans. On ne sait pas les dates exactes, hein, mais enfin, bon, elle est morte depuis plus de 10 ans. Et il va la chercher, guidé par Virgile, et il va l'apercevoir, là, quand il va rentrer à l'enfer, après la grande forêt au début, il va l'apercevoir. Et puis après, il va la revoir au moment du purgatoire, quand il sera au purgatoire. Et puis, naturellement, où va-t-il la découvrir enfin et la retrouver enfin, lui qui ne l'avait pratiquement jamais approché de son vivant, hein, qu'il avait rêvé en permanence, eh bien, c'est au paradis. Alors ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, comme vous le dites, c'est l'actualité sociale qui entre avec tous les contemporains qui sont là, avec la critique politique de Florence qui a exilé Dante, qui était peu pro-Gibelin, disons, hein, et qui mourra à Ravenne, d'ailleurs. Et naturellement, tous ceux qu'il ne peut pas supporter, eh bien, il les met en enfer. Et puis, il y a des évolutions avec la fin du Moyen-Âge, le 14e, le 15e siècle, et puis le passage à l'époque moderne, mais qui continue, évidemment, on le sait, par l'intermédiaire des sorcières, des sabbats, à développer de nouvelles figures, pourrait-on dire, de l'enfer et du diable. Il y a là aussi une grande intelligence, pourrait-on dire, et imagination liée à cette figure de l'enfer, Jean-Claude Schmitt. Oui, pensons que si la réforme, par exemple, est une vraie rupture dans beaucoup de domaines du domaine religieux, l'enfer est toujours présent, naturellement, et la peur de l'enfer reste présente. Elle reste présente et elle reste représentée en peinture à l'époque moderne. Hein. Mais bien sûr, en même temps, bien des traits changent. Vous avez récemment, aux éditions Arquet, où vous aviez déjà publié votre invention de l'anniversaire, publié Pensée par figure du compas divin au diagramme magique. Et comme toujours avec vous, il y a une grande imagination pour pouvoir trouver des nouveaux objets pour l'historien que vous êtes. Vous avez travaillé sur les rythmes du temps, les rythmes médiévaux, c'était votre précédent ouvrage. Et là, vous réfléchissez à la question des figures géométriques en particulier, mais pas simplement, dans leur représentation graphique du Moyen-Âge. Et vous venez de parler des cercles de l'enfer et vous réfléchissez à ce que la figure permet de penser de la pensée médiévale telle qu'elle s'exprime graphiquement sur un manuscrit ou sur un portail ou une rosace de cathédrale, Jean-Claude Schmitt. Oui, j'ai choisi ce mot « figure ». Il y en a d'autres pour parler des diagrammes. Mais c'est un des mots sans doute les plus présents. Figura. Figura, figura en latin, et qui est distinct d'imago, même si imago peut aussi servir à parler des diagrammes, d'un côté, et qui est d'autre part distinct de scriptura, c'est-à-dire de l'écriture. Et les diagrammes, on le voit nous-mêmes, tous nous faisons des diagrammes, nous faisons sur l'ordinateur, etc. Oui, vous parlez des camemberts que l'on a chacun sur nos ordinateurs. Donc c'est à la fois de l'image et c'est de l'écriture, parce qu'il y a toujours de l'écriture ou à côté ou dedans. Et la figura, elle est intermédiaire et mixte, en quelque sorte, et elle permet de penser au-delà de la pensée abstraite, si vous voulez. On en a besoin. Si on se pose une question un peu compliquée, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se faire un petit dessin, un petit schéma, un croquis. Et c'est ça qu'on a fait au Moyen-Âge, à foison, surtout à partir du XIIe siècle. Et donc, ces neuf cercles de l'enfer, ce sont des figures, ce sont des cercles concentriques. C'est une manière de penser la hiérarchie des châtiments et des peines. Et alors qu'on aurait pu la penser différemment. On peut la penser effectivement dans une sorte de graphique qui va du haut vers le bas. On peut le penser d'une autre manière. Et vous expliquez bien effectivement que chacune de ces pensées graphiques correspond à une approche, pourrait-on dire, d'un problème qui est posé à la société médiévale. Oui, et chacun de ces graphiques est un cheminement. On entre dans le graphique. Et de même qu'on entre dans l'enfer et que Dante entre dans l'enfer jusqu'à retrouver Lucifer tout au fond et de cercle en cercle. Eh bien, c'est un peu la même chose pour les diagrammes. Parfois, il y a d'ailleurs l'itinéraire est indiqué. Il est marqué par des lettres A, B, C, D. Et vous allez avec les yeux, avec le corps, par conséquent, parcourir ce diagramme pour l'incorporer et comprendre et aller au-delà du premier état de votre compréhension. Et cela, ça nécessite un outillage technique. Vous parlez du compas, par exemple, oui. Qui explique à la fois les rosaces des cathédrales, mais aussi la façon dont ces rosaces peuvent être pensées par des contemporains de la construction des cathédrales. Autrement, ça peut leur permettre de penser des problèmes théologiques, des problèmes philosophiques qu'ils appliquent à cette figure, justement, tracée par le compas. Oui, ces figures ont le grand avantage de mettre en correspondance des notions de registres différents. Et ça, c'est ce qu'on voit aux rosaces des cathédrales. Et je pense évidemment à Notre-Dame de Paris, et Dieu soit loué, ces rosaces, semble-t-il, ont été sauvées. Elles mettent en correspondance les vertus, les saisons, les peines, les apôtres, etc. Toutes ces notions différentes se trouvent reprises dans un seul schéma. On aura vraiment là un schéma synthétique de tout le savoir chrétien. Mais ça veut donc dire que lorsqu'on regarde une cathédrale et on regarde une rosace d'une cathédrale, Jean-Claude Schmitt, eh bien, il faudrait la regarder en l'imaginant comme pensée par un auteur médiéval, c'est-à-dire avec une pensée structurée, où ce compas joue un rôle, justement, pour rapprocher des mondes ou des univers mentaux entre eux, alors qu'on la regarde généralement comme une sorte d'unité, qui ne nous dit rien d'autre que la beauté de la rosace en question. Oui. Oui, eh bien, je pense qu'en effet, elles sont, puisqu'on parle des rosaces, et non pas ici des diagrammes dans les manuscrits qu'on peut regarder de très près, les rosaces ne sont pas faites pour être vues. On sait que Dieu les voit. Hein. Mais elles ont été calculées au millimètre près, si j'ose dire, en effet, comme un diagramme parfaitement cohérent, parfaitement complet. C'est-à-dire, tout ce savoir est là, mais on ne le peut pas le voir. On ne peut que s'immerger dans la lumière du vitrail. Et donc, on aura grand intérêt à vous lire, Jean-Claude Schmitt, dans ce Pensée par figure, du compas divin au diagramme magique, qui vient tout juste de sortir aux éditions Arquet. Et on attend avec impatience vos travaux futurs, parce que on m'a confié que vous continuiez vous-même à travailler sur ces questions de démonologie, de démons, de liaison entre les démons et les humains du Moyen-Âge, et ça sera pour bientôt, on espère. Oui, c'est ça, mais c'est d'autres problèmes en même temps. C'est la question du rêve, qui est évidemment pour moi essentielle. Le sujet chrétien se définit dans son rêve, qui est un mode d'accès direct à la divinité. Et c'est la question donc aussi du sujet de la biographie et de l'autobiographie, la représentation de soi. Comme vous l'aviez déjà fait dans l'invention de l'anniversaire avec ce travail sur les vêtements que portait le personnage central de votre livre. Merci beaucoup Jean-Claude Schmitt d'être venu pour ouvrir cette série d'émissions consacrée à l'enfer. Merci. Demain, nous continuons cette série sur l'enfer en nous intéressant à l'exorcisme et à son histoire. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Marion Dupont. Anthony Thomasson nous a accompagnés à la technique et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture. Vous pouvez également l'y télécharger. Et puis, si vous voulez débattre et discuter de cette émission ainsi que de toutes les autres, n'hésitez pas à nous joindre sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC ou encore sur le groupe des Amis de la Fabrique de l'Histoire sur Facebook.